Piste 30. Exercice 8. Deux groupes de mots. Il s'appelle Emmanuel. Sa petite amie est américaine. Trois groupes de mots. Cet été, je voyage en Afrique. Moi, c'est Marc. Je suis photographe et j'ai 33 ans. Quatre groupes de mots. Je ne suis pas créatif, mais je suis communicatif. Cinq groupes de mots. 06, 60, 82, 71, 97.